طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Et donc on commence maintenant le troisième cours sur le livre de Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, qui s'intitule Asbab istiqamati al-Shabab wa bawa'ith inhirafihim, c'est-à-dire les causes de la fermeté des jeunes sur la religion et les choses qui peuvent les faire dévier. Donc on a parlé de plusieurs points jusqu'à maintenant. On en a parlé hier à deux reprises, on a mentionné les différents points que le cheikh a mentionné jusqu'au point 14. Et le point 14, c'est le point où on s'est arrêté hier. تحذير الشباب من صحبة من أطلقوا على أنفسهم الجماعات, c'est-à-dire d'avertir les jeunes de prendre comme compagnons ceux qui se sont appelés eux-mêmes les jama'at, les groupes. Et il a mentionné par exemple Hizbul Ikhwan al-Muslimin, partie des frères musulmans, et d'autres groupes parmi les différents groupes de bid'a et d'égarements. Naam. Donc on a parlé des Ikhwan, on a parlé des Sururiyya, on a parlé des différentes tendances, hein, des groupes de takfir, des groupes de djihad, tous des gens qui malheureusement ont dévié de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a et de la compréhension des Salaf al-Salih. Et donc le cheikh maintenant il va commencer à donner des exemples pratiques clairs, hein, de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans la Ummah par rapport aux Shubuhat, les ambiguïtés, les doutes que les gens de Hizbiyya et les gens de Bid'a propagent chez les jeunes pour les égarer, et les méthodes qu'ils emploient pour les égarer, et également certains faits qui ont rapport à ces choses-là. Donc vous allez voir comment le cheikh il va l'expliquer. Il dit أقولوا وأنا أكتب بجهد المقل في أسبابه في أسباب استقامتي في أسباب استقامة الشباب التي طلب مني الحديث عنها. إن لأصحاب المنهج الإخواني الحركي أوصافا يرتفع عنها كل طالب علم عرف قدر العلم والعمل به وتمتع بنصيب من خشية الله ورعاية حقوقه وحقوق خلقه. وها أنا ذا سأذكر بعضا منها لتكون عظة ينتفع بها من قد غرر بهم فيثوبون إلى رشدهم كما ينتفع بها العقلاء من الناس وبالأخص الشباب المحب للخير والراغب في الدعوة إلى الله. Donc le cheikh il dit, malgré les pauvres moyens que je possède, je vais faire un effort pour essayer de clarifier les causes de la guidance des Shabab et le fait qu'ils restent fermement attachés à l'obéissance d'Allah, parce qu'on m'a demandé de parler de ce sujet-là. Et il faut savoir que les gens qui sont sur les méthodologies, qui suivent la méthodologie des Ikhwan et les mouvements des ikhwan, hein, les frères musulmans, ils ont certaines caractéristiques. Et n'importe quel talib ilm, il doit s'éloigner et s'élever au-dessus de ces méthodes-là et de ces caractéristiques qu'ils ont. Il y en a le plus possible. Et on sait que le talib ilm, il doit se parer de science et mettre cette science en application le plus qu'il peut. Et donc, quiconque possède une portion de la crainte d'Allah, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a un respect pour les droits d'Allah, les droits des créatures, eh bien, il va s'éloigner des caractéristiques des ikhwan et des gens de bid'ah, des hizbiyin, de façon générale. Et donc, je vais vous mentionner quelques-unes des choses, yani que les gens de bid'ah font, et certaines choses qui ont trompé beaucoup de jeunes, des choses qui ont trompé les jeunes, et on va mentionner certaines de ces choses-là dans le but de faire profiter les jeunes qui veulent connaître la réalité de la religion de l'islam et la bonne compréhension, la compréhension des salafs, pour qu'ils puissent revenir à la droiture et à la vérité, et que toute personne qui possède la raison, et en particulier les shababs, les jeunes qui aiment la vérité, qui aiment le bien et qui veulent appeler à Allah, eh bien ils vont profiter de ça. Donc là, le cheikh, il va énumérer plusieurs points. Et il mentionne, yani, subhanallah, une vingtaine de points. Une vingtaine de points qui sont reliés à ces choses-là. Donc on va les lire une par une pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, inshallah. Donc le cheikh, il dit, الجد في فكرة التجميع للشباب وغيرهم على الفكر الإخواني المستورد من خارج هذه البلاد والذي أسسه حسن البنا عام 1347 هجريا بقطع النظر عن كون المنتمي إلى المنهج صاحب سنة أو صاحب بدعة ولو كان رافضيا وذلك دليل على عدم تطبيقهم لحكم الولاء والبراء الشرعيين هداهم الله. Donc le premier point que le cheikh Zayd il a mentionné, c'est que la méthodologie des frères musulmans et de ceux qui les suivent, elle se base sur l'idée que il faut réunir tout le monde, hein? Et souvent vous allez entendre ça dans leurs discours et dans leurs conférences et dans leurs paroles. Il faut unir, il faut pas diviser, hein, ils disent toujours ça. Et qu'est-ce que ça veut dire unir? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas diviser? Si on n'unit pas les gens sur la vérité, hein, si on n'appelle pas les gens à revenir à la vraie croyance et à abandonner les croyances qui sont erronées et qui sont fausses. Donc, les ikhwan, leur manhaj s'est basé sur le fait de rassembler et d'unir tout le monde. Et ça, c'est, comme on l'a dit hier, c'était basé sur les idées du fondateur de la jama'a, Hassan al-Banna, et il a fondé ce groupe en l'an 1347 de la Hijra, le calendrier Hijri, mais dans le calendrier chrétien, c'est en 1928 qu'il a fondé ce groupe. Et il donne aucune importance, il donne aucune attention à la méthodologie ou à la aqida de la personne qui rentre dans son groupe avec lui. Ça veut dire qu'il appelle tout le monde, peu importe sa voix, peu importe son manhaj, peu importe sa aqida. Même si c'est un rafidi, il dit viens avec nous. Si c'est un soufi, il dit viens avec nous. Si c'est un yani mu'tazili, viens avec nous. Ash'ari, viens avec nous. El-Mali, laïc, viens avec nous. Chrétien, viens avec nous, c'est pas grave. C'est un parti politique et ils ont des objectifs et des buts. Et depuis que tu acceptes de respecter leurs règles, tu peux rentrer avec eux, il n'y a pas de problème. Et donc, ça, c'est la preuve que ce sont des gens qui ne mettent pas en application al-wala ou al-bara. C'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et de s'allier pour Allah et de se désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toujours, on les entend souvent parler de al-wala ou al-bara, mais quand c'est le temps de le mettre en application, tu vois qu'ils contredisent al-wala ou al-bara sur toute la ligne. Deuxième point, as-sa'yu al-hafif fi as-sirri wal-alani إلى الإحاطة بالحكومات في العالم الإسلامي بدون استثناء لأي دولة من دول العالم الإسلامي، وبالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية. وهذا عمل فوضوي يزيل النعم ويجلب النقم ويتعارض مع منهج الدعوة النبوي الرحيم الحكيم. Une des caractéristiques des Ikhwan, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts en secret et ouvertement pour essayer de yani, rentrer ou s'infiltrer dans les gouvernements, dans le monde musulman. Hein? Et ça, c'est dans tous les pays, sans exception. Hein? Non, c'est bon. Barakallahu fik. Et également, en particulier, en Arabie Saoudite. Yani, ce sont infiltrés dans les différents paliers, différents degrés du gouvernement, et dans le but d'essayer d'influencer les décisions et la politique de ces différents pays musulmans-là, et pour, bien entendu, par la suite, faire en sorte de pouvoir amener les gens à suivre leur méthodologie et à rentrer dans leur mouvement. Et donc, ça, c'est une de leurs méthodes. Hein? Et même dans les pays non musulmans, comme ici par exemple, eh bien tu vas voir que les différents groupes de Ikhwan, ils sont les premiers toujours à essayer de pencher ou de se diriger vers les responsables politiques et vers vers le gouvernement. Donc ils vont inviter dans leur mosquée, lorsqu'il y a des élections, ou bien en période d'élection, ou même en dehors des périodes d'élection, ils invitent les ministres, les députés, les candidats des différents partis pour venir parler aux musulmans dans la mosquée. Peu importe que ce soit yani, un homme ou une femme, que ce soit, yani, peu importe sa religion, peu importe son parti, il l'amène dans la mosquée pour parler aux gens. Et yani, des fois même, ils vont laisser même des femmes entrer dans la partie où c'est uniquement pour les hommes. Et ils mettent cette femme devant les hommes après la prière de Jumu'ah. Hein? Et ça, on l'a vu dans plusieurs mosquées. Ils organisent des soirées et des événements dans lesquels ils vont, par exemple, faire des soupers, puis ils invitent les responsables politiques, les différents partis, puis ils s'assoient avec eux. Tout ça, c'est dans le but d'essayer de s'infiltrer dans la politique des différents pays, même des pays non musulmans. Pourquoi ? Parce que leur objectif, c'est un objectif politique seulement. C'est pas un objectif religieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de même que tous les autres prophètes, quand ils appelaient les gens à Allah, et quand ils appelaient les gens à adorer Allah et au tawhid, eh bien, il n'a pas commencé par essayer de se rapprocher d'un tel et un tel parmi les responsables ou les dirigeants pour essayer de gagner ses faveurs, hein, gagner son approbation, ou bien d'essayer de se faire connaître par les responsables. La mission qu'ils avaient, c'est d'appeler à la ilaha illallah et d'expliquer le tawhid aux gens et d'appeler tout le monde à l'islam. Naam. Donc on voit un autre exemple de leur méthodologie qui est en contradiction avec la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, إِغَارُ صُدُورِ الشَّبَابِ وَمَنْ فِي مُسْتَوَاهُمْ على ولاة الأمر في هذه البلاد حماها الله من كل سوء ومكروه ورد كيد الحاسدين في نحورهم حتى لا يصلوا إلى مرادهم الذي من أجله يتحركون وله ينسجون وإليه يدعون. Donc le cheikh il dit ici que également ils essaient toujours d'inciter les jeunes à se révolter ou à détester les dirigeants et les responsables dans les pays musulmans. Et le cheikh, il mentionne en particulier l'Arabie Saoudite. Et comme je disais hier, l'Arabie Saoudite, c'est le pays qu'il déteste le plus. Il n'y a pas un pays au monde que les Mubtadi'a et les Hizbiyin et les Ikhwan détestent plus que l'Arabie Saoudite. Ils détestent l'Arabie Saoudite plus que les pays de Kufr. Ils détestent plus que les États-Unis, plus que le Canada, plus que l'Europe, plus que même l'Iran. le pays des Rafida. Donc tu te poses des questions par la suite, tu dis mais pourquoi ils détestent ce pays-là plus que tous les autres au monde, hein? Allahu al-musta'an. Donc une fois j'écoutais même un discours, il y avait Tariq Ramadan, il parlait de l'Iran et il faisait que des éloges de l'Iran, il mentionnait que du bien, hein, et sur des choses futiles à leur sujet. Il mentionnait qu'ils étaient ci, ils étaient ça, ils étaient avancés, ils étaient évolués, ils étaient que des éloges. Puis quand il a parlé de l'Arabie Saoudite, il a dit que des choses négatives et des choses mauvaises, comme si c'était le pire pays sur terre, hein? Puis quand il a parlé des pays comme la France et de l'Europe, il a commencé à dire aux musulmans, il faut voir les bons côtés qu'il y a en Europe, il faut voir le bon côté qu'il y a chez les koufars, hein? Il n'a pas dit le mot koufar parce que lui il est allergique à ce mot là, hein? Malgré que Allah il l'a mentionné dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé pour décrire ceux qui rejettent la foi et qui ne croient pas en Allah, mais lui il est allergique, lui et ses semblables sont allergiques à l'emploi de ce terme. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il dit même si on est en Europe et que yani, on est dans leur pays, il faut voir le bien qu'ils ont, hein? Et ça c'est souvent la méthodologie qu'ils emploient avec les gens de Bid'a et les koufars. Quand ils parlent des non-musulmans, ils disent il faut voir le bien, hein, même s'il y a du mal, mais il faut voir le bien aussi qu'ils ont. S'ils parlent des gens de Bid'a, ils disent oui, ils ont du mal, mais il faut voir aussi le bien qu'ils ont. Et quand ils parlent des gens de la Sunna, ils n'ont que du mal. Rien de bien. Rien de bon. Donc si tu peux dire ça de la France et des pays européens, et tu peux dire des éloges, des rafidah, alors que c'est un pays dans lequel on insulte les sahaba, on insulte les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radiallahu anha, et dans lequel on adore les tombes et les morts, hein, et on vénère les descendants de Ali, on les prend comme des dieux en dehors d'Allah et on fait le shirk avec eux et on fait des pèlerinages à leur tombe. Toutes ces formes de bid'a et de kufr et de shirk qui se passent dans ces pays, dans le pays de l'Iran, hein, ouvertement. Et ça, yani, vous n'en dites pas un mot, comme si c'était correct. Mais des petites futilités, vous les grossissez comme si c'était des bonnes choses. Et puis quand c'est le pays du tawhid, le pays de l'Arabie Saoudite, le pays qui a établi le tawhid depuis, hein, qu'ils ont détruit toutes les tombes qui étaient construites au-dessus, hein, des tombeaux des hommes pieux, ils les ont tous nivelés au niveau du sol. Partout où les gens allaient pour faire des pèlerinages ou pour adorer ou pour prier à un saint ou à un wali ou à un homme pieux, yani, avec la da'wa du tawhid, tout ça, ça a été éliminé. Toutes les bid'a qui étaient pratiquées ouvertement, elles ont toutes été éradiées, hein, et éliminées complètement. Donc ça, c'est toutes des bonnes choses. Pourquoi vous ne le mentionnez pas alors que c'est les choses les plus importantes? Donc ça, c'est un exemple. Pourquoi on constate ces choses-là? C'est parce que c'est des gens qui ont yani al-hiqd wal-ghil, hein? Ils ont la haine et la rancœur contre l'Arabie Saoudite parce qu'ils s'accrochent au manhaj des salafs. Après, le cheikh il dit, quatrième point, kasratul half billahi kadiban wa khid'an wa khid'atan wa hum ya'tabiruna dhalika li salih najah da'watihim alladhi yad'una ilayha. لأن جميع الدعوات تحتاج إليها وهي لا تحتاج إلى غيرها لأنه أسس بنيانها حسن البنا كما قال المنشد الإخوان وما أكثر المنشدين منهم وفيهم يقول إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. Donc il dit que tu trouves parmi les ikhwan beaucoup de yani parmi eux, ils vont jurer par Allah, hein, de façon mensongère et pour tromper les gens, et ils considèrent que si c'est pour le dans le but de faire marcher leur da'wah et de faire avancer leur da'wah, c'est pas grave, même s'ils mentent, Je considère que c'est correct. Parce qu'ils disent que c'est pour le bien de la da'wah. Allah musta'an. Et donc ça, ça fait partie des fondements sur lesquels Hassan al-Banna il a fondé son groupe et sa jama'a. Et yani, il mentionne une parole d'un poète ou d'un un poème que certains d'entre les ikhwan ont écrit pour glorifier Hassan al-Banna. Puis yani, c'est peut-être en arabe c'est, ça rime, mais en français si je le traduis ça ne va pas changer grand chose à ce que j'ai expliqué. Et le cheikh il dit après à propos du poème, وَهَذَا غُلُوٌ فِي حَسَنَ الْبَنَّةِ ومنهجه ومنهج أتباعه إذ إن الذي كله حسن هو ما جاء في كتاب الله العزيز وما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce poème quand il parle de Hassan al-Banna? Il dit tout ce qu'il y a dedans c'est Hassan, hein? Qu'est-ce que les ikhwan ont, c'est tout bon. Celui qui l'a construit, c'est qui? C'est Banna Hassan. Le cheikh, il dit, ça c'est de l'exagération à propos de Hassan al-Banna et de son manhaj et la méthodologie de ceux qui le suivent. Parce que tu ne peux pas dire à propos de quelqu'un ou quelque chose que tout ce qu'il a fait est bon, excepté le Coran et la Sunna, excepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas un homme qui est venu, yani, 1400 ans après, pour inventer un groupe, pour fonder un groupe, et puis c'est un être humain, c'est pas un messager, c'est pas un prophète. Des fois tu te dis, ils l'ont élevé à un niveau, comme s'ils veulent faire de lui un prophète. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, وَعَدَمُ التَّوَرُّعُ مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي يَشِينُ الرِّجَالِ بينما هم يعتبرونه لصالح الدعوة إلى منهجهم وعليه فلا حرج من الولوغ فيه عندهم قادة وأتباعا. Donc le cheikh il dit, ils permettent même le mensonge pour leur da'wah, pour leur groupe. Ça c'est une de leurs caractéristiques, parce qu'ils disent que c'est pour le bien de leur groupe et de leur da'wah. Parce qu'un de leurs principes c'est comme le principe des communistes qui disent le but justifie les moyens. Le but justifie les moyens. Donc si ton moyen il est bon, si ton but il est bon, peu importe le moyen que tu vas employer pour y arriver, c'est correct. Sixièmement, hujumuhum sirri wal alani ala al wulat wal ulama hatta inna mufti al alam al islami الذي شهد له ويشهد له ويشهد له بالفضل والعلم والزهد والورع أعداء الإسلام بينما الرجل الإخواني يصمه بما يرتفع عنه أصحاب الأقلام عن التوسع في تسطيره ولقد سمعت من شريط لأحد الحركيين في الجزيرة العربية وهو يخاطب الشيخ ابن باز رحمه الله قائلا وأنت يا علم السماحة والندى قد جئت ضمن جحافل الأحزاب ماذا أقول لأمتي وشبابها ماذا أقول وفيك أنت مصابي قد جئت تقدم خليهم خليلهم تقدم خيلهم وجموعهم لتقاتلوا شيخي على بحراب على محرابي. Donc ils disent que ils attaquent en secret et ouvertement les dirigeants et les ulama et ils les critiquent. Même le mufti du monde musulman, le cheikh Ibn Baz à l'époque, qui était reconnu par tout le monde comme étant un homme de science et de piété, qui yani, était yani, un homme vraiment modeste et pieux, et même les ennemis de l'islam étaient d'accord là-dessus. Et tu vois que les gens comme les Ikhwan, eh bien, ils écrivent à son sujet des choses, yani, ils le critiquent et ils le rabaissent. Après, le cheikh dit comme septième point, Al-Khuruj ala al-Hukkam bi kulli anwa' al-Khuruj biduni an yazinu tasarrufihim bi mizan al-Shara wa biduni nazarin fi al-Awaqib wa hadha sani'u al-Khawarij الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ ذم وحرض على قتالهم وقتلهم وبين ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجسيم. Donc le cheikh il dit comment ils incitent les gens à se révolter et à se rebeller contre les dirigeants par toutes les différentes formes de rébellion et de révolte sans mesurer ou peser les choses selon la balance de la charia et de l'islam, et sans regarder également les conséquences de leurs actions. Et ça, c'est l'attitude des khawarij, et c'est le comportement des khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé du blâme le plus sévère, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les sahaba à les combattre et a incité les musulmans à les combattre, et il a mentionné même dans les hadiths authentiques qu'il y avait une grande récompense pour les musulmans s'ils combattent les khawarij, hein. Et parmi les hadiths à ce sujet là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths dans lesquels il mentionne les khawarij, il mentionne leurs caractéristiques et il mentionne les récompenses pour ceux qui s'opposent à eux et qui les combattent. Parmi les hadiths à ce sujet-là, quand Dhul Khuwaysira est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit, Ya Muhammad, innaka lam ta'dil, i'dil fa innaka lam ta'dil. Il dit, oh Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de lui, innahu sayakhruj min di'i hadha قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يخرجون من الدين مرق السهم من الرمية. إذا ضد حديث الذي طوبى لمن قتلهم أو قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء. إذا ضد حديث الذي لو لقيتهم لَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Hein? Donc, il a dit dans d'autres hadiths, هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. Il a dit dans d'autres hadiths, كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ. Donc, qu'est-ce que ça signifie tous ces hadiths? C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Dhul Khuwaysira est venu. Et l'homme a dit, oh Muhammad, crains Allah, parce que tu n'as pas craint Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait distribué le butin. Et lui, il n'a pas aimé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin aux hommes. Il prétendait que c'était une distribution du butin qui était injuste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui sera juste si moi je ne suis pas juste? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait confiance dans la transmission du message des cieux. Alors vous, est-ce que vous n'allez pas me faire confiance? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il y a Omar ibn al-Khattab qui a dit, oh messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, parce que cet homme, il a des compagnons, ou bien de lui va sortir des hommes. Vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne, et vous allez mépriser votre récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est des extrémistes dans la religion. Ils pensent qu'ils font du bien, mais ils font de l'extrémisme dans l'islam. Ils veulent prier plus que les sahaba. Ils veulent jeûner plus que les sahaba. Et ils veulent réciter le Coran plus que les sahaba. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا تُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. Ils récitent le Coran, mais ça ne va pas plus bas que leur clavicule. Ça veut dire qu'ils récitent le Coran sans aucune compréhension et sans aucune science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à leur sujet, يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. Ils disent les meilleures paroles au monde. Il a dit أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ. c'est-à-dire c'est des jeunes, hein, il les a décrits comme étant des jeunes qui sont des faibles d'esprit, des rêveurs. Et ça, c'est la caractéristique des Khawarij à toutes les époques. Hein? Ceux qui rentrent parmi eux, c'est toujours des jeunes et des faibles d'esprit. Et il a dit dans d'autres hadiths, ils sont les pires créatures. Et il a dit dans d'autres hadiths qu'ils sont les meilleures personnes, ou c'est-à-dire ces personnes-là, c'est les meilleures personnes à tuer sous le ciel. Et dans une autre hadith, il a dit, yani, la récompense sera, on donnera la récompense du paradis à celui qui les tue ou qui se fait tuer par eux. Et dans un autre hadith, il a dit, si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés. Si je les avais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Had a été exterminé. Et dans un autre hadith, il a dit que ce sont les chiens de l'enfer. Hein? Que ce sont les chiens de l'enfer. Naam. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques des Khawarij que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et quand on dit de les tuer ou de les combattre, bien entendu, ça ne veut pas dire que si tu vois un Khariji dans la rue, que tu as le droit de le tuer ou de le combattre par toi-même. Mais ça veut dire que les dirigeants dans un pays musulman, c'est leur responsabilité de les combattre avec l'armée du pays. Hein? Et si toi tu fais partie de cette armée-là, dans ce cas-là, tu vas les combattre avec le dirigeant. Ou bien, si c'est un dirigeant, par exemple, et qu'ils ne sont, sont pas un groupe, mais c'est quelques individus ou un individu, et qu'il fait du désordre, eh bien, le dirigeant peut l'arrêter, cet individu-là, et l'exécuter si c'est nécessaire. Donc, c'est pour dire que ça, c'est la caractéristique des Khawarij. Ils appellent les musulmans à se révolter contre les dirigeants parce qu'ils disent que les dirigeants ont fait des péchés, ou parce que les dirigeants ont fait de l'injustice, ou parce qu'ils ont fait du mal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les hadiths, lorsqu'il parle des dirigeants, il dit que ces dirigeants-là, s'ils font de l'injustice, s'ils font du mal, soyez patients et endurez, et obéissez-les dans le bien, et ne retirez jamais votre main de l'obéissance. Et il dit également, même s'ils frappent ton dos, et même s'ils prennent tes biens, écoute et obéis. Donc ça, c'est des paroles qui sont les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Khawarij, et les Hizbiyin, et les gens de Bid'a, et les Ikhwan, ils ne donnent aucune importance à ces hadiths, alors que ce sont des hadiths authentiques qui se retrouvent dans Al-Bukhari et Muslim. Vous les trouvez dans le livre de l'imam Muslim, dans le chapitre de la Zakat. Et dans le livre de l'imam al-Bukhari, dans le livre de l'Imara. Donc dans Kitab Sahih Muslim, dans le chapitre de la Zakat, les hadiths sur les Khawarij. Dans Sahih al-Bukhari, les hadiths à propos de l'Imara. Et vous allez trouver les hadiths au sujet des Khawarij dans ces deux chapitres. Et il y a beaucoup d'autres hadiths aussi à leur sujet. Et la question de l'obéissance et de l'écoute des dirigeants, qui sont injustes, et même s'ils sont injustes et même s'ils font du mal, de les écouter, de leur obéir dans le bien, de leur donner le bon conseil en privé et non pas en public ou devant tout le monde. Ça, c'est un autre point qui a été mentionné dans les hadiths authentiques. Et également, d'être patient face à leur épreuve quand c'est des dirigeants injustes. Et Inch'Allah, donc ça c'est des points très très importants qui distinguent les gens qui suivent la voie des salafs des hizbiyin et des gens de bid'ah. Un autre point que le cheikh il a mentionné, c'est il dit عدم الاهتمام بشأن العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي أصل الدين وقاعدته يعني وبسبب هذا الجهل ولأسباب أخر تراهم يعني خليطا هذا سني وذاك شيعي والبعض قبوري يجمعهم نظام الحزب جملة وتفصيلة وفيه التآخي والتناصر والتآزر وهذا من المصائب ذات العجائب. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que les ikhwan, dans leur manhaj, dans la da'wa, ils ne donnent à la aqida et à la croyance et aux principes et aux fondements de la aqida de l'islam aucune importance. Aucune importance. Alors que c'est la base de la religion et c'est la règle de la religion et le principe de la religion. Mais ils ne donnent aucune importance à la aqida. Et ça, c'est à cause de l'ignorance et à cause de d'autres choses également. Et c'est pour ça que tu les vois qu'ils sont tous mélangés. Tu vois que les gens qui sont avec eux sont de toutes les tendances possibles. Tu vas trouver parmi eux des soufis, tu vas trouver parmi eux des chiites, tu vas trouver parmi eux même des kouboris, des gens qui défendent ou qui supportent l'adoration des morts et des tombes. Tu vas trouver parmi eux des gens qui sont modernistes, aqlaniyin, modernistes ou rationalistes. Ils disent, moi je prends juste de la religion, qu'est-ce qui est en accord avec ma tête, avec ma logique. Si je trouve un verset dans le Coran ou un hadith, c'est en contradiction avec ma raison, je le rejette, je ne l'accepte pas. Parmi eux, tu trouves des gens comme ça. Allah al-Musta'an. Tu trouves parmi eux de toutes les tendances. Et même que parfois, dans le même individu, tu trouves qu'il défend différentes sectes en même temps. Et ça, je l'ai vu chez certains d'entre eux. Tu vois qu'il a des croyances des Shia, il a des positions des Khawarij, puis il a des positions des Murji'a, puis il a des positions des Asha'ira, puis il mélange tout. Parce qu'il n'a pas un manhaj clair, il n'a pas une méthodologie et une compréhension claire de l'islam. Et souvent même parmi eux, tu vois qu'ils appellent, soi-disant, à la tolérance, et à accepter les divergences et à l'ouverture. Il y en a parmi eux qui appellent même à la démocratie, qui appellent à la laïcité, qui appellent c'est-à-dire aux élections, à toutes ces choses-là. Ça, tu trouves de tout chez eux. Quand, par exemple, en France, par exemple, tu vois qu'ils vont faire des discours des discours publics. Quand ils s'adressent aux musulmans et aux non-musulmans, ils vont dire n'importe quoi. Il y a des choses qui sont clairement contraires au Coran et à la Sunna et au fondement de la croyance islamique. Puis ils appellent à ces choses-là comme si c'était correct. Ils disent l'islam est en accord avec la démocratie et avec la laïcité. Et ils vont dire oui, dans l'islam, il y a l'égalité absolue et totale dans tout, entre l'homme et la femme. Et il n'y a pas de différence aucune entre l'homme et la femme. Alors qu'on voit clairement que dans le Coran et dans la Sunna, il y a des règles sur certaines questions qui distinguent entre l'homme et la femme. Même s'il y a plusieurs règles dans lesquelles il y a des choses qui sont communes à l'homme et à la femme, mais il y a des règles dans lesquelles il y a des distinctions entre les deux. Donc on ne peut pas dire que dans l'islam, l'homme et la femme sont égaux dans tout. Mais pourtant tu entends ces discours-là chez qui? Chez les Ikhwan. Et tu trouves parmi eux, ça c'est une chose qui est étonnante aussi, c'est que tu trouves parmi eux tous les extrêmes. Tu vas trouver parmi eux les pires djihadi, takfiri, khariji, avec la grande barbe et le qamis, et qui parlent au nom de l'islam, qui dit nous on veut la charia et ci et ça. Puis tu trouves parmi eux le gars qui est rasé, qui a la cravate et le veston, et qui parle au nom de la démocratie et ci et ça. Et les deux sont dans le même groupe. Et ils s'assoient ensemble. Et ils sont dans le même jama'a. Comment tu peux trouver dans le même groupe des gens qui sont sur des positions extrêmes et opposées à ce point? C'est parce que c'est une méthodologie qui n'est pas établie sur des fondements et des règles claires. C'est au contraire des gens, chacun peut rentrer comme il veut et faire ce qu'il veut. Le cheikh il dit ensuite, le point numéro 9, « حُبُّ التَّنْظِيمَاتِ السِّرِّيَّةِ مِنْ خِلَالِ الْمَرَاكِزِ الثَّقَافِيَّةِ وَالْأَنْدِيَةِ الرِّيَاضِيَّةِ وَمِنْ خِلَالِ أَنْشِطَةِ الْجَوَّالَةِ وَالْكَشَّافَةِ بَلْ وَمِنْ خِلَالِ مَدَارِسِ تَحْفِظِ الْقُرْآنَ الْخَيْرِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُعَظَّمْ شَأْنُهَا حَتَّى لَا تَكُونَ سِتَارًا يتترس به أهل المكر والخيانة، وهم في هذا كله قد استغلوا طيب نفوس القائمين على هذه المرافق. Un autre point aussi parmi les caractéristiques de ces groupes, c'est qu'ils aiment organiser des organisations secrètes. Et ils vont être, par exemple, ils vont faire des organisations ou des activités qui sont en réalité des couvertures pour cacher la réalité de leur da'wa. Donc, par exemple, tu vois qu'ils font des centres culturels. Ils vont faire des clubs de sport. Ils vont faire des activités de scout, hein, des trucs de scout et de louveteau, même des écoles pour enseigner la mémorisation du Coran pour les enfants. Et tout ça, c'est des couvertures pour cacher en réalité l'appel à leur groupe. Et la personne qui ne connaît pas la réalité des Ikhwan, il rentre là-bas et il pense que c'est juste des choses pour les musulmans, il y en a sans programme politique derrière, sans rien, hein, que c'est neutre. Non. Eux, ils sont là et derrière, ils ont leur programme. Et ils essaient d'appeler les musulmans à ces programmes-là. Hein. Et comme je disais hier, la plupart des mosquées, qui sont les mosquées qui suivent la voie des Ikhwan à Montréal, ou ailleurs, à Toronto, ou dans d'autres villes, ils ne se disent pas frères musulmans, Ikhwan. Personne. Hein, personne, aucune d'entre elles fait ça. Hein? Donc, par exemple, yani, si à Montréal, par exemple, il y a des mosquées, tu les vois, ils vont s'appeler, par exemple, la mosquée Sunna. Hein? Puis, ils contredisent la Sunna dans cette mosquée. Ils sont sur le manhaj des Sururi, des Takfiri, des Ikhwan. Et puis, ils se disent hein, Sunna. Tu vas voir une autre mosquée. Elle s'appelle Sahaba. Elle contredit le manhaj des Sahaba. Et elle prend le manhaj de ceux que les Sahaba ont combattus. Elle adopte le manhaj des Khawarij. Hein, puis elle prend le nom des Sahaba, alors que les Sahaba ont combattu les Khawarij. Tu vois, les noms parfois peuvent cacher des réalités qui sont trompeuses. Il ne faut pas se laisser yani impressionné ou trompé par les noms des groupes ou des mosquées ou des différents individus. Tu vas trouver des mosquées, par exemple, Rawda, qui est une mosquée qui est reliée avec MAC, Muslim Association of Canada. Cette association, ils ont des mosquées dans toutes les villes du Canada. Cette association est basée sur le manhaj des Ikhwan. Sur leur site principal, ils avaient écrit dedans, et là je ne sais pas s'ils l'ont enlevé, mais sinon il y a des captures d'écran de ça. Ils ont écrit, nous considérons que la compréhension de Hassan al-Banna est la meilleure exemple et la meilleure représentation de l'islam. Ça c'est sur le site officiel de MAC. Hein? Et donc tu vois qu'il y a ça. La plupart des associations étudiantes dans les universités, que ce soit les universités francophones ou anglophones. À la base, les premiers qui ont fondé des associations étudiantes musulmanes dans les pays occidentaux sont les Ikhwan. Et donc, tu vas toujours trouver, même s'ils ne se mettent pas de l'avant, toujours des gens qui sont en arrière qui hein, orientent les choses pour essayer d'appeler à la méthodologie des Ikhwan ou d'être sympathisants avec les Ikhwan. Et ils détestent tout musulman qui va commencer à appeler au tawhid et à mettre en garde contre les bid'ahs et contre le shirk. Et ça, on l'a vu de la part de certains frères et certaines sœurs, qui étaient très actifs dans les MSC et qui étaient avec eux à 100%. On les a élevés, on les a aidés à monter dans les grades, soi-disant, même si ce n'est pas officiel, il y a des grades quand même chez les Ikhwan. Il y a le Amir, comme je disais hier. Hein, chaque ville, il y a un Amir qui est responsable. Comme chez les Tablir aussi, la même chose. Il y a des Amirs, ils donnent bay'a et tout. Mais pour dire, ils ont des degrés. Et quand tu montes, ils voient que t'es actif, hein, t'es motivé, tu travailles avec eux, hein, ils vont pas te dire, deviens frère musulman, tu rentres dans les frères musulmans, non. C'est tout fait en sourdine, sans même que tu t'en aperçoives. Mais certains frères, certaines sœurs, lorsqu'ils ont commencé à connaître la sunna, connaître la salafia et appeler au tawhid, propager autour d'eux des livres sur la sunna, sur le tawhid, sur la aqidah, mettre en garde contre la bid'a, contre les sectes, contre les égarements, ils ont commencé à les mettre en garde. Ils ont commencé à avertir les autres. Faites attention à celui-là, il appelle au tawhid. Faites attention à celui-là, il appelle à la sunna. Faites attention à celui-là, il amène les gens à lire les livres des ulama. Même des gens qui étaient dans le groupe des Ikhwan, à l'époque de Cheikh Al-Albani, en Jordanie, quand ils allaient au cours de Cheikh Al-Albani, et qu'ils faisaient partie du groupe des frères musulmans, on leur a donné des lettres d'avertissement. Si vous continuez à aller au durus de Cheikh Al-Albani, vous allez être expulsé du groupe des frères musulmans. Et la lettre, hein, les frères qui ont reçu ces lettres d'avertissement-là, ils ont fait des copies. Hein? Et il y a des chouyours qui ont parlé de ces sujets-là, ils les ont mis les lettres dans leurs livres pour montrer aux musulmans comment ces gens-là agissent. Pourquoi? Tout ça au nom de la hizbiya. C'est ça le hizbiya. C'est quand tu dis aux musulmans de s'éloigner de ceux qui appellent au Coran et à la sunna, et ceux qui mettent en garde contre le shirk et la bid'a, tu dis aux gens, écartez-vous d'eux. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec notre groupe, avec notre chef, avec notre jama'a, avec notre amir. Et ça, c'est pas quelque chose. Au début, je me rappelle quand j'étais converti, au tout début de l'islam, je connaissais pas encore l'arabe, et je voyais ces choses-là ici à Montréal, et je me disais, est-ce que ça c'est quelque chose qui se passe juste ici, à Montréal? Parce que je voyais que qu'est-ce que j'apprenais dans le Coran et dans la sunna, et des paroles des ulama, je voyais que ces gens-là, ils faisaient tout le contraire. Alors j'ai dit, mais ces gens-là, peut-être que c'est parce qu'ils sont ignorants, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais après j'ai réalisé que non. Aux États-Unis, il y a des groupes, c'est la même chose. En Europe, il y a des groupes, c'est la même chose. Dans les pays arabes, il y a des groupes, c'est la même chose. En Afrique, il y a des groupes, c'est la même chose. En Asie, il y a des groupes, c'est la même chose. En Amérique du Sud, il y a des groupes comme ça, c'est la même chose. Ils sont tous sur le même groupe, la même jama'a. Ils ont tous des noms différents, mais ils suivent toutes la même méthodologie. Parce qu'ils font tous partie de ce groupe de bid'a, hein, qui suivent ces différentes tendances de hizbiya et de bid'a. Hein. Donc, la aqida pour eux, comme je disais, aucune importance. Et eux, ils disent, vous les salafis, vous mettez toujours en garde contre les autres, vous avertissez toujours les autres, hein, contre les autres, vous mettez en garde, vous faites des critiques tout le temps, critiquez les autres. Et eux, ils disent ça, des salafis, alors que c'est vrai, on s'en cache pas, on met en garde contre les gens d'égarement, on avertit contre les gens d'égarement, on critique les groupes et les sectes, et les individus, et les livres, lorsqu'il y a des contradictions à l'islam. Mais eux, ils font la même chose. Hein? Mais pas par rapport au Coran et à la Sunna et à la voix des salafs, par rapport à leur passion et à leur désir. Et c'est des gens, toujours ils sont en train de parler contre les gens qui appellent à la Sunna, contre les gens qui mettent en garde contre les bid'ahs. Et ils mettent en garde, et ils avertissent, et ils critiquent eux aussi. Pourquoi tu me critiques de faire quelque chose alors que toi-même tu le fais? C'est une contradiction. Mais si tu le fais, au moins fais-le sur la vérité. Fais-le en te basant sur la vérité, pas sur tes passions, subhanallah. Le cheikh, il dit aussi, ensuite, donc, حُبُّ التَّنْظِيمَاتَ السِّرِّيَّةَ, donc on a vu ça. Donc, comme je disais, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs mosquées à Montréal. Hein, il y a d'autres mosquées, ce n'est pas les frères musulmans, mais ils ont les mêmes tendances. Comme par exemple, un groupe qui s'appelle Al-Adl wal-Ihsan. Al-Adl wal-Ihsan, c'est la version marocaine des frères musulmans. Et leur cheikh, c'est Abdus Salam Yassine. Un soufi, lui aussi. Hein? Et c'est déjà la même chose que les Ikhwan. Ils ont leur mosquée ici à Montréal qui s'appelle Belagir. Hein? Et ils suivent le même manhaj, hein, la même chose. Tu les vois, ils aiment se rapprocher des politiciens. Ils aiment fêter le Mawlid al-Nabawi. Ils aiment appeler les gens au soufisme. Ils incitent les gens à toutes sortes de choses qui contredisent la charia. Critiquer le dirigeant. Même le fondateur de ce groupe, il avait écrit une lettre pour critiquer le roi du Maroc à l'époque. Et il a fait cette lettre, il a été par la suite mis en résidence surveillée ou des choses comme ça. Puis, tous ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font? Des manifestations. Ils appellent les musulmans à sortir dans les rues et à se révolter et à critiquer le roi, à critiquer le pouvoir politique. Tout ça, c'est contraire au manhaj des salafs. Mais eux, le manhaj des salafs, ils n'en ont rien à faire. Parce qu'ils sont contre le manhaj des salafs. Ils aiment le manhaj des khawarij et des gens de bid'ah. Eh na'am. Donc, ça, c'est des exemples comme ça. Et il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi à Montréal, plein comme ça. Je pourrais vous donner tous les noms des mosquées qui ont ces tendances-là. Mais je pense que c'est pas nécessaire parce qu'il y en a plus qui sont sur la bid'ah que sur la sunnah. L'important, c'est de savoir ça et d'être sur ses aguets, comme on dit. Le cheikh, il dit aussi, na'am, وَضْعُ الْأُمُورِ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ كَمَدْحِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَإِضْفَاءِ النُّعُوتِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَعْمَالِهِمْ وَذَمِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُمْدَحُ وَيُثْنَى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَهُ بمزيد من بذل التضحية والعطاء في دروب الخير والهدى والهدي النبوي القويم. Ça aussi, c'est une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils mettent les choses, hein, ils mettent pas les choses à la place où elles devraient être, selon les règles de la charia authentique. Par exemple, les gens de bid'ah, ils les glorifient, ils font leur éloge. Et les gens de la sunna, ils les hein? Ceux qui devraient être glorifiés et qui méritent de qu'on fasse leur éloge, ils les critiquent, comme je disais tout à l'heure. Et une de leurs techniques ou de leurs méthodes pour faire ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont inventé? Un manhaj al-muwazanat. Al-muwazanat. Ça veut dire quoi al-muwazanat? Ils disent il faut être juste. Et ça, c'est une parole qu'ils utilisent pour tromper les gens. Parce qu'ils pensent que d'être juste, ça veut dire que tu dois mentionner tout ce qui est bien et tout ce qui est mal de quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe sa religion, peu importe sa croyance, peu importe sa bid'ah. Donc si tu as parlé, par exemple, d'un soufi, ou d'un chi'i, ou d'un mubtadi' de façon générale, tu ne dois pas juste mentionner ses erreurs. Il faut que tu mentionnes ses erreurs, mais aussi il faut mentionner les bonnes choses qu'il a faites. Hein? Parce qu'il dit sinon, c'est pas juste. Pourtant, regardez dans le Coran et regardez dans la Sunna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des kuffars et des mushrikines, des juifs et des chrétiens, est-ce qu'il mentionne uniquement, hein, est-ce qu'il mentionne leurs bonnes qualités et le bien qu'ils font, ou bien il mentionne leurs dangers, leurs égarements, leurs kuffres et leurs shirk? Quand il parle des mushrikines, est-ce qu'il fait leur éloge? Est-ce qu'il mentionne les bonnes qualités et les bonnes choses qu'ils font? Pharaon, quand Allah parle de Pharaon dans le Coran, est-ce que Allah dit à propos de Pharaon, oui, il était bon envers sa femme, il était gentil avec ses voisins, il partageait avec ses amis? Hein? Est-ce qu'il y aurait une sagesse de mentionner ces choses-là à propos de Pharaon? Le but de mentionner Pharaon, c'est de mentionner ses égarements dans le but que les musulmans s'éloignent de son kufr et de son shirk. Iblis, même Iblis, avant de devenir Iblis, il était rapproché d'Allah. Hein? Il était parmi les rapprochés, parmi les anges. Est-ce que tu vas commencer à dire à propos du diable? Oui, mais il était bon avant. Il ne faut pas dire juste du mal du diable, il faut aussi dire du bien. A'udhu billah. Le but, c'est de mettre en garde pour avertir les gens pour pas qu'ils tombent dans leurs égarements, pour pas qu'ils tombent dans le kouf, pour pas qu'ils tombent dans le shirk, si tu commences à faire leur éloge, eh bien c'est comme si tu es en train de dire, oui mais vous pouvez les suivre parce que c'est pas grave, ils ont du bien. La même chose pour les gens de bid'a. Quand tu mets en garde contre les soufis, contre les shi'as, contre les khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarij, il n'a pas dit, oui mais c'est des gens, ils sont égarés mais ils ont du bien. Non, il a dit, c'est les chiens de l'enfer. Hein? Il a dit, خير قتل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. Il a mis en garde contre eux, il n'a pas mentionné aucune bonne chose de leur caractéristique. Même des fois, des personnes qui ont du bien, hein, qui sont des sahaba qui ont du bien, mais lorsque c'était le moment de les réprimander pour une faute qu'ils ont faite, il les mentionnait avec des termes durs. Pourquoi ? Pour faire comprendre la gravité de la faute et du péché. Hein? Un exemple qui me vient à l'esprit, un sahabi quand il a prié avec surat al-Baqarah, surat al-Isha. Il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il est retourné chez lui dans sa mosquée, puis il a prié avec les gens de son quartier. Il a commencé à réciter al-Baqarah. Il y a un homme qui était dans les rangs. Il est sorti des rangs, il a fait sa prière tout seul, puis il est parti. Mu'az, radiyallahu anhu, il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint hein, de cet homme. Et l'homme a dit, ô messager d'Allah, yani, Mu'az, il a récité surat al-Baqarah. Et moi, je ne pouvais pas hein, rester comme ça longtemps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fâché, il s'est mis en colère. Même on a dit que son visage est devenu rouge. Il a dit à Mu'az, Afattanun anta ya Mu'az? Afattanun anta ya Mu'az? C'est-à-dire, est-ce que toi, Mu'az, t'es un fattan? Fattan, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait de la fitna, qui fait les choses être difficiles pour les gens qui leur mettent et qui leur rendent la religion comme une épreuve. Donc c'est une parole dure, mais ça, c'est une parole dure qui était exigée par le contexte et qui était nécessaire par rapport au contexte de la réprimande dans le but de donner une leçon. Et ça, c'est des exemples comme ça dans la sunna. Parfois, c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il critiquait des gens sans mentionner le nom, sans mentionner les personnes en particulier. Lorsque c'était pas nécessaire de mentionner le nom, il le mentionnait pas. Il disait mabal ou aqwamin. Comme par exemple, il y a des gens, telle ou telle personne, il l'a fait sans dire qui. Parce que ce n'était pas nécessaire de mentionner le nom de la personne. Le but, c'est d'avertir tout le monde. Mais parfois, quand c'était nécessaire, il disait le nom. Et il mentionnait la personne en question. Hein? Comme dans le hadith de Mu'az. On sait que c'est Mu'az. Hein? Pourquoi ? Parce que des fois, c'est nécessaire de mentionner le nom. Des fois, c'est nécessaire de dire qui. Parce que sinon, des fois, tu mets en garde juste comme ça, de façon générale. Et les gens, ils prennent pas attention. Hein, ils savent pas de qui tu parles. Hein, une fois, il y a un cheikh qui disait ça. Il dit, pendant des années, on a mis en garde contre quelqu'un, mais sans mentionner son nom. Et après, les gens continuaient toujours à l'écouter et à aller vers la personne. Alors, une bonne fois, le cheikh, il a dit le nom de la personne. Il a dit, cheikh, mais pourquoi vous nous avez pas mis en garde contre lui? Il a dit, depuis des années, je vous dis, faites attention à cette personne. Et je mentionnais pas son nom, mais pour que vous compreniez que je parle de cette personne. Et c'est seulement quand le cheikh, il a mentionné le nom, que les gens ont compris, là, tout d'un coup, les gens se sont arrêtés de retourner à cette personne-là. Donc des fois, c'est important. Et le but de faire ça, c'est pas pour dénigrer ou parler dans le dos ou pour salir une personne ou nuire à sa réputation. Non, le but de ça, c'est la nasiha, c'est de donner le bon conseil aux musulmans. La nasiha, des fois les gens ils disent, oui mais akhi, est-ce que tu es allé voir la personne pour lui donner nasiha? La nasiha, c'est pas pour cette personne-là. Même si on peut lui donner la nasiha aussi, et puis on lui a donné la nasiha. Mais le but de la nasiha, c'est pour le commun des musulmans, la masse des musulmans qui l'entendent et qui l'écoutent et qui le suivent, sans savoir que c'est une personne qui est dans l'égarement. La nasiha, les gens ils pensent que c'est juste par rapport à la personne qui fait l'erreur. Mais aussi la nasiha, c'est pour les gens qui sont susceptibles de tomber dans l'erreur de la personne aussi, pour qu'ils puissent être mis en garde et pour qu'ils puissent se préserver, se protéger contre l'égarement de cette personne. Donc des fois c'est nécessaire de mentionner le nom pour que les gens sachent, parce que juste de parler comme ça avec des variables, hein, tu utilises des variables comme en mathématiques, des fois il faut mettre les chiffres dans l'équation pour comprendre le résultat, hein. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit raf'u shi'ar al-ghayra ala shari'at al-islam wa at-tadhahur bi bughd al-almana wa nahwaha ghayr an hunaka a'malan khafiyya wa tasarrufat mashina min ha'ula al-jama'a tatanafa ma'a tilka al-madahir al-qawliyya wal-fi'liyya wad-da'wiyya ghaliban. Ça aussi c'est un autre point par rapport à ces caractéristiques de ces ikhwan. Les ikhwan, quand tu les entends parler, ils disent ouais, on veut la charia, on veut l'islam, on veut la charia, hein. Mais dans la réalité, quand tu les vois, il n'y a aucune charia, ils veulent pas l'appliquer. Dans plusieurs pays musulmans où ils ont dit, ils avaient des partis dans les élections, ils ont dit nous, on vous rassure tout de suite, on ne va pas l'appliquer la charia. Hein? En Tunisie, ils ont dit ça. En Égypte, ils ont dit ça. Même les soi-disant, ceux qui se prétendent par le Hizb Nour, hein? Ceux qui prétendaient être salafis là-bas, alors que c'est des Hizbiyin, des Ikhwan, hein? Avec des kamis et des barbes, ils se disent salafis, mais ils suivent le manhaj des Ikhwan, ils rentrent dans les élections. Hein? La même chose, ils ont dit non, vous les laïcs, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, on ne va pas appliquer la charia. Hein? Mursi, la même chose. Il a dit non, on ne va pas jamais appliquer la charia, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Donc comment ils se disent un parti islamique qui veut appliquer l'islam, puis ils ne veulent pas appliquer la charia. Et il y en a parmi eux, parmi ces groupes-là, qui ont dit oui, on veut appliquer la charia, comme au Soudan, Hassan al-Turabi. Il est rentré dans les élections, il a gagné, il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on ne va pas appliquer la charia maintenant. Il a commencé à dire, on va faire des églises et des mosquées ensemble. On va faire des copies de la Bible et du Coran réunis. C'est dans un seul livre. La Bible puis le Coran ensemble. Hein? Il a ouvert la porte aux Rafidah. Il a ouvert la porte aux missionnaires chrétiens. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? Yani, subhanallah, il y a un cheikh, Mohamed Aman, il mentionnait un exemple de qu'est-ce qu'ils ont fait au Soudan lorsque Hassan al-Turabi a pris le pouvoir. Ils sont partis dans une usine d'alcool où ils fabriquent l'alcool. Ils ont dit fermer, il faut fermer l'usine d'alcool, c'est contraire à l'islam. Hassan al-Turabi, il a dit non, laissez-la, il ne faut pas l'arrêter comme ça, hein? Il faut avant réformer la société. Après, on va la fermer. Et allez, subhanallah. Le cheikh Mohamed Aman lui a dit, quoi, est-ce qu'il y a quelque chose autre que la charia qui va réformer la société? C'est-à-dire, avant d'appliquer la charia, il faut réformer la société avec quelque chose d'autre que la charia? Puis une fois qu'on l'a réformée, après on applique la charia? Non, c'est la charia qui réforme la société. En l'appliquant. Donc ça, c'est pour montrer en même temps des choses. Et tu vois la même chose comme par exemple en Tunisie et ailleurs, il y en a des gens qui se disent contre les laïcs, et puis ils font des choses que même les laïcs font pas, c'est-à-dire même des musulmans ignorants qui suivent la laïcité par ignorance sans comprendre que c'est contraire à l'islam, et ils ont plus de respect de l'islam et de la pratique de l'islam que certains de ces soi-disant islamistes, hein, dans ces groupes de Hizbiyin. Le cheikh, il dit également, le point numéro 12, Iltimasu ma'ayib al-wulat fil buldan al-islamiyya ammatan wa fil mamlaka al-sa'udiyya ala wajh al-khusus wa ilsaq al-mathalib bil-ulama al-salafiyin fiha wa thalika ka wasfihim bil-amala والاستسلام للضغوط وعدم ثقل الواقع وموطن الغيرة على شريعة الإسلام من نفوسهم وسلب قيامهم بالمرجعية العلمية في هذا البلد. الشيخ يقول il cherche les défauts des dirigeants dans les pays musulmans et en Arabie Saoudite en particulier, et ils décrivent les ulama salafiyins avec toutes sortes de défauts et de paroles mauvaises. Ils disent que c'est des agents du gouvernement, ils disent qu'ils sont soumis à des pressions, donc ils disent des choses parce qu'ils sont sous la pression des dirigeants, ou bien ils disent qu'ils ne comprennent pas la réalité, ou bien ils n'ont pas de jalousie pour la charia de l'islam en eux, ou bien qu'ils n'ont pas de... ils ne sont pas des références valables pour la science ou des choses comme ça. On a parlé de ça hier. Le cheikh dit, le point numéro 13, « Kafratul wa'id wa tahdid biduni rahmatin liman yantaqiduhum ou yuhadhir min manhajihim. ولقد كتب أحد قادتهم الصغار رسالة إلي وإلى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ضمنها سبا وشتما وتفسيقا وتجريحا مما يدل على وجود الحقد الدفين الذي يحمله بين جنبيه لكل من ينتقد المنهج الإخواني الذي اختلط بلحمه ودمه. Donc le cheikh il dit, ils font des menaces et ils critiquent sans aucune miséricorde toute personne qui critique et qui met en garde contre leur méthodologie déviée. Et même des ulama de l'islam qui ont mis en garde contre eux et qui ont clarifié leur déviation, comme le cheikh Zayd al-Madkhali, le cheikh Ahmed al-Najmi, ils ont écrit des livres pour les insulter. Ils les ont contactés pour les insulter, pour leur dire toutes sortes de mauvaises paroles. Justement, le cheikh Ahmed al-Najmi, il a écrit deux livres pour les réfuter, même trois, pour réfuter les égarements des Ikhwan. Et un d'entre eux, il y a une réponse qui s'appelle Al-Jawab الشرعي المعقول الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. نعم, parce qu'il y a une personne qui l'a contacté par l'intermédiaire de quelqu'un sans mentionner son nom, puis commencer à dire le cheikh il ne devrait pas dire ça, il ne devrait pas critiquer, il ne devrait pas, il n'a pas voulu s'identifier. Alors le cheikh il a pris ces points qu'il a mentionnés puis il les a réfutés. Et c'est un des très bons livres qu'il a écrit pour réfuter les égarements des Ikhwan. Également, il dit وَقَدْ سُمِّيَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةِ رَغْمَ صِغَرِ حَجْمِهَا بِالرِّسَالَةِ النَّقْدِ وَالرَّدِ عَلَى الْأَقْوَالِ الْمُفْتَرَاةِ وَقَدْ سَجَّلْتُ مِنْهَا مَا لَا يَقِلُّ عَنْ عَشْرَةِ أَرْقَامٍ فِي كِتَابِ الْأَجْوِبَةِ السَّدِيدَةِ. Donc le cheikh il a écrit un livre sur ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh. Il dit وَذَلِكَ لِيَعْلَمَ الْقُرَّى مَدَى الْعَدَاوَةِ الَّتِي يُكِنُّهَا كُلُّ أَفْرَادِ حِزْبِ الْإِخْوَانِ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ السَّلَفِيِّينَ مَهْمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفِيُّونَ من علم ودعوة وصدق وورع, وليس ما قاله جاسم المهلهل وليس ما قاله جاسم المهلهل أحد قادة الإخوان ومنظريهم عن الأذهان ببعيد, حيث قال من كتاب للدعاة فقط ما نصه. Écoutez ça. Il dit بل إن دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب ومن أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le cheikh, il dit que ça montre la haine que les Ikhwan ils ont dans leur cœur contre les ulama salafiyin. Même si c'est des hommes pieux, des hommes qui sont sincères et véridiques. Il dit, regardez qu'est-ce que Jasim al-Muhalhal, un des chefs des frères musulmans et des théoriciens des frères musulmans, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Lid-du'ati faqat, à la page 122? Il dit, la da'wah des frères musulmans refuse qu'il y ait dans ses rangs toute personne qui refuse de se restreindre au plan et à l'organisation, hein, de se limiter au plan et à l'organisation des frères musulmans. Même si c'était la personne la plus pieuse parmi les gens qui appellent à l'islam ou qui ont la meilleure compréhension de l'islam et de sa croyance, ou qui lisent le plus de livres, ou qui ont le plus d'amour ou de Hamas, hein, comment on dit Hamas en français, hein, d'excitation pour l'islam, et même s'ils sont les personnes les plus humbles dans leur prière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe ta piété, ta science, ton niveau de piété, ta sincérité, t'as pas le droit de sortir des restrictions et des limites qui ont été établies par le groupe des frères musulmans. Hein? Faut que tu respectes. Hein? Si tu sors des règles des frères musulmans, même si c'est en accord avec l'islam, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais, t'es out. Même par exemple, Jamaat Tabligh, c'est la même chose. Sortez avec Jamaat Tabligh, puis commencez à sortir le livre Kitab al-Tawhid. Puis dites-leur, moi, au lieu de faire votre bayan, comme vous faites, de parler de n'importe quoi, moi je vais lire les paroles des ulama. Qu'est-ce qui est écrit dans Kitab al-Tawhid, ou bien dans Usul al-Sunnah, ou bien n'importe quel autre livre des ulama de la Sunnah. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec vous. Et vous allez voir comment ils vont vous traiter et qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont jamais accepter. Ils vont jamais accepter. Parce que si tu sors avec eux, tu dois suivre leur méthodologie. Et tu dois parler de ce qu'eux, ils veulent que tu parles. Et tu dois te limiter à ce qu'eux, ils veulent que tu parles. Tu ne peux pas sortir de leur programme. Même si leur programme est contraire au Coran et la Sunna. Même si qu'est-ce que tu dis, c'est en accord avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et ils ne vont pas te laisser parler. Ils vont raconter des histoires à dormir debout qui font aucun sens, qui n'ont aucune référence ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça, oui. Mais parler de qu'est-ce que les ulama ont mentionné, les preuves du Coran et des fondements de l'islam, non. Il y en a une fois, il disait, il y en a une histoire, je m'en rappelle, il me dit, une fois le chef, il raconte ça aux gens. Dans leur bayan. Une fois, le chef de Jamaat Tabligh, il est rentré dans l'eau pour se baigner, et là, il y a un crocodile qui est venu. Puis là, le crocodile voulait le manger. Il a dit au crocodile, si tu me manges, qui est-ce qui va appeler les gens à l'islam? Alors, le crocodile l'a laissé, puis il est parti. Oui, ça, tu peux raconter ça aux gens, des histoires comme ça. Mais leur lire les livres de la Sunna, non. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, c'est pas des gens qui appellent au Coran et à la Sunna. C'est des gens qui appellent à leur passion, Allah Musta'an. Le Cheikh, il dit, le point numéro 14, « Kasratu talbis wal jadal ma'a man yad'ounahum ila tanazuli ani l'akhta'i l'wadihati fil manhaj al-ikhwani alladhi idda'au fihi anna kulla ma fihi hasan fa'innahu la yusma'u minhum illa imanan mukarrara tubarriru sahatahum wa tanfi kulla talihin ويتعلق بالمنهج كل طالح يتعلق بالمنهج وتثبت له كل صالح وحينئذ يفوض الداعي إلى الله والناصح لهم ولغيرهم الأمر إلى الله محسبلا ومحوقلا وأما الذين ليس عندهم خليفة خلفية ليس عندهم خلفية عن هذا المنهج وبنوده وقادته ومنظريه فإنهم يتساقطون في خندقه كالفراش في النار اغترارا بإضاءتها لأن ظاهره فيه الغيرة على شريعة الإسلام وباطنه فيه مكر وكيد ومحاولة انحراف بكل ناصر للمنهج السلفي أو محب له ممن أنار الله بصائرهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم يعني لاعتصامهم بكتاب ربهم عز وجل وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهدي سلفهم الصالحين ومصلحين والمصلحين. Donc ici, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit qu'il refuse d'accepter les critiques de ceux qui vont montrer leurs égarements et leurs fautes. Et yani, la personne qui connaît la sunna, quand elle voit ça de leur part, eh bien, elle va yani, dire « La hawla wa la quwwata illa billah ». Parce qu'elle sait que c'est ça leur manhaj, puis c'est ça qu'ils suivent et ils ne veulent pas changer. Tandis que les autres, qui connaissent pas leur réalité, eh bien ils risquent de tomber, hein, comme des papillons qui vont vers le feu, parce que en apparence ils se laissent tromper par leur apparence d'aimer la charia, de vouloir défendre la charia et ainsi de suite, et ils se laissent égarer. Et donc c'est une des raisons, yani, que pourquoi je les déteste pour Allah, parce qu'ils ont essayé combien de fois de m'égarer et d'égarer d'autres frères que je connais, qui sont proches. Hein? Donc quand tu vois ça de leur part, hein, leur mensonge, leur trahison, leur ruse, yani c'est normal que tu vas détester des gens comme ça. Hein? Allahu musta'an. Hein? Après le cheikh il dit wa israf wa hizb al ikhwani fi al nashid wa al inshad wa al iyanatu bi hifz alhanihi wa qasaidihi وتلذذهم الخطير بسماعه ويعني وبعضه مستورد ومسحوب بآلة اللهو كالعود ونحوه ولقد روجوه على اختلاف أشكاله وتنوع ألحانه فقالوا إنه نشيد إسلامي ومن يتعرض عليه فإنه غير فاهم للواقع ولا في القديم ولا في الحديث. Une des caractéristiques des Ikhwan aussi, c'est qu'ils aiment trop les anachides et la soi-disant, qu'est-ce qu'ils appellent la musique islamique. Alors qu'on sait que tous les ulama, hein, dans leur fatwa, ils ont mentionné clairement et clarifié que ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est de la musique. C'est pas, hein, des poèmes qu'on récite, comme on dit, innocemment. Hein? Comme un homme ou une femme ou un enfant qui récite innocemment un poème, hein, ou une comptine sans yani, aller dans un studio d'enregistrement pour enregistrer sa voix avec des échos et un petit fond de fredonnement de musique ou de mélodie, ou bien même avec des tambours et des trucs de ce genre, puis parce qu'il dit dans sa chanson « Allah, Allah » ou bien « Alhamdulillah » ou « Subhanallah », il dit « ça c'est de la musique islamique ». Ça c'est la bid'a des soufis. C'est les soufis qui ont inventé ça. Ça ne fait pas partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais chanté au nom de l'islam ou pour se rapprocher d'Allah. Il n'a jamais fait des anachides, lui et les sahaba. Hein? Est-ce que tu vois un hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses sahabas ils se sont réunis pour chanter? Hein? Nulle part. Par contre, ces gens-là, c'était devenu maintenant des chanteurs professionnels. Et quand ils font leurs conférences et leurs conventions, comme Reviving the Islamic Spirit à Toronto ou bien ailleurs, ils ont même une partie dans leur spectacle. Même en France, il y a le truc qu'ils font à Paris à chaque année, là. Hein? Comment ça s'appelle? Le Bourget, il y a une partie, c'est comme des spectacles. Hein, ils ont des vedettes, ils mettent leurs affiches. Il y a des groupes de rap, il y a des groupes de rap islamique, il y a des chanteurs. Hein, et ils ont leur disque, leur CD qu'ils vendent. Ils vont, ils signent des autographes. Hein, tu vois les filles avec leur petit foulard rouge ou bleu ou jaune coloré, hein, le petit fichu qu'ils portent sur les cheveux. Hein, qui ne respectent pas les conditions de la charia de l'islam, ils vont puis elles commencent à crier comme si elles étaient devant, hein, des vedettes et des groupes, hein, de musique des koufars. Hein, et déjà la musique des koufars, c'est peut-être moins grave que ces anachides. Déjà la musique des koufars, c'est haram, mais tu le sais que c'est haram. Puis quand tu vois, quand tu entends Michael Jackson, tu ne vas pas dire que c'est de la musique islamique. Tu dis c'est de la musique haram. Mais quand tu entends cette musique-là, comme par exemple si Michael Jackson commençait à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ça deviendrait islamique maintenant? Hein? Ça c'est plus grave que le haram. La bid'a est plus dangereuse et plus grave comme égarement que le haram. Parce que le haram, tu sais que c'est haram. Hein? Il n'y a pas d'ambiguïté. Si tu fais le haram, tu dis Astaghfirullah, je me repens à Allah, je reviens. Parce que je sais ce que je fais, c'est haram. Mais quand tu fais une bid'a, tu ne vas pas te repentir parce que tu penses que tu es en train de faire quelque chose de bon. Eh bien, c'est ça le danger des anachis. C'est plus grave même que d'écouter la musique des koufars ou bien des choses qui sont soi-disant pas religieuses. Hein? Puisque, yani, c'est clairement haram, puis on le sait, il n'y a pas de secret. Donc les anachides, ça c'est les spécialistes, et les ikhwan sont les spécialistes là-dedans. Et tous ceux qui poussent ces choses-là. Dernièrement, il y a l'autre en France, là, Rachid, Abu Hudaifa, hein, que tout, la vedette de YouTube, qui fait ces vidéos-là, hein, qui faisait dans toutes ses vidéos des anachides au début, puis on lui a dit combien de fois, ça c'est haram. On lui a mentionné toutes les fatwas des ulama pour lui expliquer que ça c'est haram. Mais il continue, il persiste. Non, moi je le fais quand même, je crois que c'est correct, il n'y a pas de problème. Et là, dernièrement, dans une vidéo, il enseigne à des petits-enfants que ça c'est... Il dit la musique c'est haram. Hein? Il dit aux petits-enfants, la musique c'est haram. Les koufars ont lu ça, ils ont vu la vidéo, ils ont commencé à faire du bruit dans les médias à cause de ça. Ils ont dit, ah, ça c'est un radical, un extrémiste, parce qu'il interdit la musique. Tout d'un coup, il revient sur ses positions. Hein? Oh, j'ai revu la question, j'ai compris que non, c'était pas interdit finalement. Même moi, j'enseigne la musique, hein, et des trucs de ce genre. Et là, maintenant, il est devenu, soi-disant, plus modéré. Mais c'est pour dire comment il joue, hein, avec la religion. Alors que depuis, hein, ça a toujours été haram, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de position à adopter, tout est clair. La musique c'est haram, et les anachides, si vous faites ces anachides, vous dites que c'est des anachides, c'est de la musique qu'est-ce que vous faites, c'est pas des anachides. Et donc ça c'est important de comprendre, et le théâtre aussi, ils font même du théâtre islamique, et même maintenant ils font des films islamiques. Hein? Ils jouent des rôles. Donc il y en a un, il va dire, bon, moi je vais jouer le rôle de Pharaon, et l'autre il va être Moussa, et l'autre il va être un tel, et l'autre il va être le diable, hein? Et là quand ça arrive pour faire la partie où Allah subhanahu wa ta'ala parle à Moussa, là ils font une grosse voix, hein? Ils disent ça c'est la voix d'Allah, a'udhu billah. Donc c'est pour dire comment ils jouent avec la religion, même avec ils imitent les chrétiens et les juifs. Comment il s'égare? Il dit وَلَقَدْ قَالَ لِي بَعْضُ الْمَهَرَةِ فِي الْإِنْشَادِ وَهُوَ مِنْ مَنْسُوبِ إِحْدَى الْجَمَاعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ إِنَّنِي أَنْشُدُ الْقَوْمِ حَتَّى يَبْكُوا. Je me rappelle quand j'étais à l'université à Médine, il y avait un compagnon dans ma chambre, un Égyptien. Le fait qu'il soit Égyptien c'est pas important, mais il écoutait des anachides jour et nuit, tout le temps. Et je me rappelle, il y en avait une qui l'écoutait. Ça disait Khandaqi Qabri wa Qabri Khandaqi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma tranchée, c'est comme les tranchées dans la guerre, c'est ma tombe, et ma tombe, c'est ma tranchée. Parce qu'eux, ils font toujours des chansons pour le djihad et des choses comme ça. Après, je l'ai vu sur YouTube en train de chanter ça sur un stage avec. Avec une foule, des éclairages, de la musique, et là il est là avec son micro, puis il fait comme un chanteur. Et il est en train de dire aux gens, Khandaqi Qabri, Khabri Khandaqi. Il est où ton Khandaq? T'es sur un stage en train de chanter comme Michael Jackson, et puis tu dis, hein, que ça c'est ton Qabr. C'est pour dire comment ces gens-là, c'est des gens ridicules. Et tous ces gens-là, comme Daesh et Al-Qaïda, toutes leurs vidéos, c'est toutes des chansons, du début jusqu'à la fin. Tu les vois avec leurs fusils, ils font des pauses, hein, ils essaient de se montrer comme si, hein, sont en train de se faire filmer, photographier avec les armes, et puis là t'entends la chanson, les chansons, ils font des, comme on dit, des chorales, avec des canons. Vous savez c'est quoi des canons? Pas des canons pour tirer, des canons dans la musique. C'est-à-dire, un groupe, comme par exemple une personne, il commence à chanter la chanson, puis l'autre, il commence à chanter en décalé. La même chanson, mais à un autre rythme, comme si les deux, ça se suit. C'est ça des canons. Puis là, après, des fois, il y en a 3, 4, 5. Tout ça, ça devient de la musique. Hein? Donc ça, c'est des choses qui sont haram. Le Cheikh, il dit, « Lamzu ashab al-manhaj al-ikhwani » كل من يخالفهم في اتجاه في اتجاهاتهم من العلماء وطلاب العلم سائرين على المنهج السلفي بأنهم علماء ورق وعلماء سوء وقاعدون إلى آخره. أي نعم. ويغطون قعودهم بثرثرة فارغة كقولهم مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الألوهية والوقت الآن غير مهيئة للمواجهة ونحوها مما قد كتب وبين في مواضع أخرى. Donc il mentionne qu'il se moque des gens qui appellent à la salafia et des ulama, ça on a déjà mentionné. وإن كنت في شك مما ذكر في هذا الرقم لخطورته فاسمع إلى حركي صغير تربى كثيرا على كتب منظر المنهج الإخواني اسمع إليه وهو يخاطب العلماء الذين يشتغلون بالتأليف في العلوم الشرعية عبر التاريخ وتاريخ عصورهم ويشتغلون بإقامة الشعائر الإسلامية أصولا وفروعا والدعوة إلى الله على منهج السلف النبوي غير أنهم لم ينخرطوا في سلك الحركيين السياسيين ولم ينبروا لمواجهة الحكام والخروج عليهم خاطبهم هذا الحركي قائلا. Il mentionne le poème d'un jeune qui a été influencé par les Ikhwan et qui a été éduqué dans leur méthodologie, comment il s'adresse aux ulama. Et ça, c'est un poème écrit par Aïd al-Qarni. Aïd al-Qarni. Regarde comment il parle des ulama. Il dit, « Sal ma shi'ta wa sum faddinu la ya'rifu al-abidu man salla wa sama. Waj'al as-sabhata mitraini wa khuz ammatun bayda wasbirha rukhama. Watruk al-alam fi ghawghaihi. يتلظى في لياليه اضطراما أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم ومقرف يلوي الزمامة أو دعي فاجر أو الدعي فاجر أو دعي فاجر أو أوقع في أمتي جرحا أبا ذاك التئاما لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت كتاما. يعني il dénigre les savants. Il dit, vous êtes comme des rabbins, pas des rabbins, des moines dans des monastères, hein, et ainsi de suite. Et il dit, vous êtes pas sur le terrain, vous êtes pas en train de, hein, vous laissez les gens faire le désordre et tout, puis vous faites juste lire les livres, hein, faire le shurouh des livres et enseigner, puis en tout cas, ça c'est la façon comment il s'adresse au ulama. C'est qui ce jeune-là? Aïd al-Qarni. Aïd al-Qarni, c'est un de leurs fidèles. Et il dit, t'es un prêtre, comme un moine. Hein, tu n'es pas de Ahmed. Ma anta min Ahmed. C'est-à-dire, c'est comme s'il déclare qu'il n'est pas musulman. Il parle comme ça des ulama. Donc il dit قلت ولصاحبي يعني هذه الأبيات ترويج واضح لكتب الملأ لكتب ملأها مؤلفوها بالأخطاء الكثيرة والبدع الشهيرة ككتب سيد قطب والمودودي وغيرهما. Lui, pendant ce temps-là, il fait ces poèmes-là, puis il propage les livres de qui? Sayyid Qutb, Al-Mawdoudi et d'autres gens de ces catégories-là. Il dit, وَتَرْشِيحُ On a presque fini, Inch'Allah, je sais que j'ai pris du temps. Il dit, تَرْشِيحُ أُمَرَا عَلَى الْأَفْرَادِ الْمُنَظِّمِينَ فِي الْمَنْهَجِ في كل منطقة ومدينة بحسب الحاجة وهؤلاء الأمراء غالبا من الشباب المغرورين بأنفسهم ومناصبهم القيادية وتفوضهم القيادة في تربية الأفراد وفق فقرات المنهج وبدونه ويعمدونهم بأخذ البيعة التي لا تطلب من الشخص الإخواني إلا بعد تجاوز مراحل قطعها المريد في زمن طويل ولها مقدمات وعليها عهود ومواثيق كما حدثني من عاش معهم ثم أفاق وانخنس من التنظيم إلى المنهج السلفي الواضح السليم وكم من أسرار تتضمنها تلك البيعة البدعية وينطوي عليها الطرفان وقد ظهر بعضها كحادث التفجير الذي وقع في بلد التوحيد الرياض وإن بقي تنظيمهم ساري المفعول فلا تنتظر إلا كثرة الأحداث والحوادث. Donc il mentionne que ils ont des chefs et des amirs qu'ils désignent pour être les chefs de différentes villes et de différentes régions. Et dans chaque endroit, ils ont des représentants qui ont donné une allégeance à leur chef et ainsi de suite. Donc il parle de ça, on en a déjà parlé. التكتم والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سيخدم قضيتهم حتى إنه لا يخفى شأنهم على من يخالطونهم من أهل العلم زمانا طويلا. C'est-à-dire qu'ils essaient de se rapprocher, mais sans montrer leur vraie position et leurs vraies idéologies. Ils vont se cacher pendant des années pour se rapprocher de quelqu'un. Puis, même parfois, ils vont se rapprocher même des ulama pendant des années. Ils vont jamais montrer leur vraie face, leur vraie couleur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arriver à être proches des gens qui ont une influence et de ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir leur rendre des services. سعيهم للوصول إلى السلطة ويستخدمون رموزهم يتخذون رموزهم أدوات وأسبابا بأي طريق من طرقهم المتعددة لخدمة المنهج وتراهم يقصرون دعوتهم على مناوءة الحكام. On a mentionné de ça. On a parlé de ça déjà. Comment ils essaient d'arriver au pouvoir par tous les moyens. غلو المتقيدين بخطط المنهج الإخواني الحركي في قادتهم ومنظريهم حتى صار الغلو فتنة لبعضهم فارتكبوا مخالفات في كتبهم وأشرطتهم ما كان لهم أن يرتكبوها. واسمعوا مثالا واحدا من أمثلة الغلو في أربعة أشخاص ممن قالوا عنهم قادة السحوة فقهاء الواقع. Donc ici le cheikh il dit regardez comment ils exagèrent, ils sont parfois à l'extrême par rapport à leurs chefs et à leurs théoriciens, ceux qui organisent leur groupe. Et là il mentionne un poème dans lequel un d'entre eux fait un poème et glorifie Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni et Nasser al-Omar. Donc il dit, et je le lis en arabe, il dit فالحمد لله فالآمال مشرقة ما دام في صفنا سلمان وسفر. Hein? Alhamdulillah, les espoirs sont brillants tant que dans nos rangs il y a Salman et Safar. Hein? Et là il dit أهل التقى والنهى والعلم علمهما هما لهدي البلاد الشمس والقمر. Hein, ils sont pour la guidance, il y en a des gens de la piété, hein, de la science, de la raison, et leur science, il dit, ils sont comme le soleil et la lune pour notre pays. Il y a des gens de bid'a, des gens d'égarement, des gens que Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et les grands ulama de l'Arabie Saoudite ont mentionné que, hein, ils les ont fait emprisonner, Salman et Safar et tous ces groupes-là, ils les ont tous mis en prison. Cheikh Ibn Baz, il a ordonné qu'on les emprisonne parce que c'est des gens qui faisaient la fitna et qui appelaient au manhaj des khawarij et qui faisaient des bid'a, hein, et qui encourageaient les jeunes à toutes sortes de fitnes, et eux, regarde comment ils parlent de ces gens-là. Après, je ne vais pas tout lire le poème, mais il dit « Ya sahwata a'id al-qarni yan'ishuha bi'ilmihi al-jamma yarwiha fatazdahar » A'id al-qarni, avec sa science, son immense science. Et après, il dit « Wa yarsumu al-khittatu al-musla limanhajiha wa sayriha » بِالتِزَانِ النَّاصِرَ الْعُمَرِ. Donc c'est pour vous dire comment ils font les éloges de ces gens-là, et que ce sont des gens d'égarement. Et ça, c'est tout ça, c'est des gens qui sont en Arabie Saoudite, hein, Allah musta'an. Donc les Ikhwan, ils se sont beaucoup propagés en Arabie Saoudite avec ces individus-là, et c'est eux qui font la fitna là-bas. Il dit, dernièrement, justement, j'entendais, il disait, Aïd al-Qarni, un frère qui a posté ça sur Telegram, il disait, il faut souhaiter les joyeuses fêtes aux chrétiens et aux juifs. Aïd al-Qarni, c'est ça. Donc c'est des gens, tu peux pas comprendre sur quel pied ils se tiennent. Hein? Il dit وهذا, hein, pour terminer, il dit هذا قليل من كثير من أوصاف أصحاب المنهج الإخواني الحركي التنظيمي الذي ينبغي أن يعني يعلم فليحذر ويحذر منه كل من ويحذر منه كل من يخشى عليه أن يغرر به من قبل دعاته الذين يصلون ليلهم يعني يصلون ليلهم بنهارهم في دعوة الخلق إلى الانضمام في التنظيم الحركي ليصبحوا جنودا تقوم بجهودهم الخلافة التي يدعون بأنهم يسعون جادين في إيجادها ووصموا من لم يسع في إيجادها بالجهل والغباء وهكذا يجب أن يحذر أن يحذر ويحذر من كل اتجاه يخالف المنهج السلفي حقيقة سواء كان اتجاها سروريا أو إخوانيا أو تبليغيا وما والاها من الاتجاهات ذات الانحراف عن منهج السلف الصالح الذين سلكوا الصراط المستقيم الذي أرشدهم إليه ربهم ووصاهم به بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc le cheikh il termine en disant oui, il dit ça c'est peu, qu'est-ce qu'on a mentionné à leur sujet, maintenant c'est peu de beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Si on doit détailler, il y a beaucoup d'autres choses à expliquer à propos du manhaj des Ikhwan et de leur organisation, pour que les gens puissent les connaître et puis qu'ils soient avertis, hein, et pour qu'ils prennent garde. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Akhi, pourquoi tu fais des cours sur ces gens-là? Pourquoi tu parles d'eux? Hein, ça sert à rien. Apprends-nous la salat, apprends-nous le wudu, apprends-nous ci, apprends-nous ça. C'est bien que tu vas savoir comment faire ton wudu, que tu vas savoir comment faire ta salat, puis qu'après tu vas aller avec les khawarij, tu vas aller avec les ikhwan, puis après à un moment donné tu vas être avec Daesh en Syrie en train de tuer les musulmans. Hein? Donc c'est vrai qu'il faut apprendre le wudu et la salat, mais en même temps ça il faut l'apprendre aussi. Parce que si tu n'as pas appris les bases de ton manhaj et de ta aqidah, eh bien après c'est facile de t'égarer facilement. Hein? Pensez pas que les gens qui sont avec Daesh ou avec d'autres groupes de bid'a, les Ikhwan, ils savent pas faire le wudu. Oui, ils savent faire le wudu, savent faire la salat. Peut-être qu'ils ne savent pas comme il faut selon la sunna, mais ils ont quand même certaines notions de base sur ces choses-là. Mais par contre, le manhaj, c'est fondamental. La connaissance de la aqida et du manhaj passe avant les détails de toutes ces autres choses-là. Parce que si tu fais ta salat, tu fais ton jeûne, tu fais tes adorations, mais tu n'as pas une bonne aqida, tu n'as pas un bon manhaj, tu risques de faire en sorte que tes bonnes adorations, tes bonnes actions ne soient même pas acceptées par Allah. Donc ça, c'est plus grave. Même les enfants, les gens ils disent il faut apprendre aux enfants, on veut qu'ils mémorisent le Coran, on veut qu'ils apprennent le Coran. Et les ulama ont dit il faut commencer à apprendre aux enfants le tawhid et la aqida en premier, avant même d'apprendre le Coran. Parce que le Coran, dedans, il y a l'aqida, mais s'il ne comprend pas l'aqida, il ne va pas comprendre sa croyance. Il y en a qui mémorisent les versets de Coran. Des enfants du Pakistan, de l'Inde, de l'Afrique, de la Malaisie, de l'Indonésie, ils ne connaissent pas un mot d'arabe. Ils mémorisent le Coran au complet. Tu lui demandes, sur sa aqida, il ne connaît pas. Pourtant, il mémorise le Coran au complet. Mais parce qu'il n'a pas étudié la religion. Et des fois, tu dis aux frères, ils viennent à la mosquée et disent, vous, est-ce que vous avez des cours pour enseigner le Coran aux enfants? Et non, en ce moment, on n'en a pas, mais on a des cours de religion. Ah, dommage, je voulais juste que mon enfant apprenne seulement le Coran. Et la aqida, non? Et le tawhid, non? Que tes enfants sachent la différence entre le tawhid et le shirk, ça, c'est pas important. Mais ils vont mémoriser le Coran du début jusqu'à la fin, sans même comprendre un mot, et ça c'est ça l'important. Donc la compréhension des gens, elle est où? Des fois on se demande. Et donc le cheikh il dit, il faut mettre en garde contre ces gens-là, et avertir tous ceux qui risquent d'être appelés par eux, parce qu'ils font ces gens-là, ils n'arrêtent pas jour et nuit pour égarer les musulmans. Ils ont des moyens, ils lâchent jamais. Pour y arriver. Et donc il faut faire des efforts pour mettre en garde contre toute personne qui contredit le manhaj salafi et la réalité de la salafia. Peu importe que ce soit un sururi ou un ikhwani ou un tabliri ou toutes les autres tendances qui existent et qui a dévié du Coran et de la sunna. Oui. On a fini, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit il faut suivre le manhaj des salaf salih, et c'est le manhaj de ceux qui ont suivi le droit chemin que Allah leur a ordonné de suivre, quand il a dit dans le verset 153 dans surat Al-An'am, et voici mon chemin dans toute sa droiture, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous faire dévier de son chemin ou diviser de son chemin. Donc ça c'est la fin de la première partie de ce livre au sujet de Asbab Istiqamat al-Shabab de Cheikh Zayd al-Madkhali. Donc j'ai résumé, j'espère que ça a été bénéfique pour vous tous et que vous allez en profiter inshallah. Donc alhamdulillah, ce sera disons une introduction à ce sujet pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, et pour ceux qui savent déjà, eh bien c'est un rappel pour eux. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.